frère sous les barreaux c'est dédicacé. Quoi de neuf frangin, tu sais, je pense à toi. Tu te souviens d'Amine? Il y a un an qui s'est fait cueillir. Sa mère flippe, m'accuse d'avoir fait d'elle un vampire. Elle me dit que toutes les nuits elle ferme plus l'œil. Merde, j'ai rien à voir. Je sais que pour elle c'est comme un cauchemar. Jour après jour sans cesse son gosse qui demande son retour. Hélas, pas de réponse, juste l'attente de femme et jour. Elle n'a pas encaissé le choc, son fils est incarcéré. Elle en a plus qu'assez d'attendre Dior, ça doit la rendre cinglée. La rue lui monte, ses ennemis sortent de leur planque. La place que j'ai pour lui dans mon cœur pèse plus que des coffres de bombes. T'imagines même pas toutes les vibes qu'on a pu vivre ensemble. Quand j'y repense c'est la nostalgie qui font que mes mains tremblent. Yo, j'te parle d'une véritable amitié. Avec honnêteté, dès ton retour je serai là. Du fond du cœur c'est dédicacé. Dédicacé du fond du cœur on rapatrié. Dédicacé à la jeunesse perdue sans liberté. A tous les frères sous les barreaux c'est dédicacé. Quoi de neuf frangin, tu sais, je pense à toi. Dédicacé du fond du cœur on rapatrié. Dédicacé à la jeunesse perdue sans liberté. A tous les frères sous les barreaux c'est dédicacé. Quoi de neuf frangin, tu sais, je pense à toi. Tu es tombé, mais vas-y crois pas que tu vas sombrer. Que je vais oublier facilement d'emblée ce qui faisait trembler. Sur scène grondée, dans la rue y'a pas besoin de demander. Les menaces sont disputées, les maris jaloux rêvaient de le buter. Pour l'argent fuité, y'a pas de galère bonhomme t'es affûté. Vu qu'un de se douter facilement ne peut envoûter. Je ferai en sorte que tu reviennes et je me fiche ça va me coûter. Je suis dégoûté franchement tu peux le voir et écouter. La populace jactée quand l'un de nous se fait empacter. Écrire c'est pas mon truc j'avoue je suis pas trop crayon. C'est pas mon rayon. Mais pour un compagnon, je décris le barrio, t'as vu? Les condés, pariaient sur leurs indiques pour nous sonder. Nos vieux excédés de voir leurs gosses sous les barreaux faisant des. Pas le temps de glander, écoute les chaînes, ta tête s'aboyer. Les royers, tu surgissent avant que demain ils viennent à cailler. Faire la maillée pour la pouca, vu notre détaillé. Dédicacé du fond du cœur, on rapatrié. Dédicacé à la jeunesse perdue sans liberté. A tous les frères sous les barreaux, c'est dédicacé. Quoi de neuf frangin, tu sais, je pense à toi. Dédicacé du fond du cœur, on rapatrié. Dédicacé à la jeunesse perdue sans liberté. A tous les frères sous les barreaux c'est dédicacé. Quoi de neuf frangin, tu sais, je pense à toi. Yo, yo, quoi de neuf gars, tu sais les choses ont beaucoup changé. Et si la chance est barrée, la vie c'est trop accéléré. Le ciel s'est assombri, tu sais ma nuit est tombée l'autre jour. Mon s'est fait serrer, les autres parlent tout arrêter. Les traves se referment, tous les jours des gars tombent pour rien. Freine à freine, traîne à mal et staff une caisse. Juste pour le fun, de plus en plus jeune. Pas de gun, fume de blunt, ne déjeune plus. Mal de cul, rêve de blé, joue les boss de rue. Les rêves des gosses sont fond du nombre, ils disparus dans les ruines de béton glacé. J'ai vu toute une enfance congelée. Tiens le coup, sois fort, pense à nous comme on pense à toi. Je passerai te voir le mardi, si je peux aussi le samedi. Je t'apporte son frangin, brisant les murs, le sang paraît de l'horizon au loin. C'est quelques mots gravés de mes mains. Je me souviens maintenant des moments passés. Ils t'attendent encore, tu sais rien à bouger. Tout peut encore se faire pardonner. Le cœur rempli d'émotions, un goût amer d'évasion. Brisant le silence, des larmes claquent sur le plancher d'espérance. La prison n'effacera pas notre amitié. Et puis, même si parfois les autres oublient, moi je pense à toi. Dédicacé du fond du cœur au rapatrié. Dédicacé à la jeunesse perdue sans liberté. A tous les frères sous les barreaux c'est dédicacé. Quoi de neuf frangin, tu sais, je pense à toi. Dédicacé du fond du cœur au rapatrié. Dédicacé à la jeunesse perdue sans liberté. A tous les frères sous les barreaux c'est dédicacé. Quoi de neuf frangin, tu sais, je pense à toi.